Chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, profitez des rabais automnales. Louez le F-150 2019 à 99 $ par semaine ou encore le Ford Escape 2019 à 0% sur 72 mois. Jean Dumas Ford, 1711 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-1316. N'hésitez pas à devenir membre de notre page Facebook pour les différentes promotions. Jean Dumas Ford, là où l'expérience client est inégalée. Tout le personnel et la direction de Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini vous incite fortement à acheter localement pour préserver les emplois de chez nous. On va parler de la NFL et c'est le retour de notre spécialiste Tony Guzzo qui arrive d'Italie. Salut Tony. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien. Beau voyage Tony? Oui, c'était très bien. On change d'idée, on change d'air, pas de stress quand on va à l'extérieur du pays. Non, c'est sûr que si tu voudrais essayer de travailler, t'es pas capable. Exactement. Ouais. Donc, on va y aller avec les nouvelles de ce qui a marqué l'actualité de la NFL depuis que tu es parti. Il y a eu... est-ce qu'Antonio Brown... Oui, c'était réglé ce dossier-là. Tom Brady, oui. qui laisse planer un doute sur sa carrière. Toi, Adam Schefter, qui est quand même un gars très bien branché, là. Oui, ben, je pense que là, Tom Brady commence à se dévoiler un peu, puis je vais être honnête, là, encore une fois, puis il y a bien des anti-Pats, ben, toi, c'est ton équipe, là, mais je pense que cette équipe-là, les Pats, là, ils devraient se rendre au Super Bowl, là, à moins vraiment d'un obstacle majeur, là. Non, je suis pas sûr. C'est pas. Écoute, le fiche est trompeuse, là. Très trompeuse, parce que regarde les équipes qui ont affronté. Oui. Ben, t'as raison, mais je veux dire, veux pas, c'est comme ça à chaque année, Danny. Fait que, puis c'est une équipe qui, quand même, tu sais, je veux dire, est bien coachée. Ils vont se présenter. Je te dirais, eux autres, là, faudrait qu'ils vont tout faire pour avoir l'avantage du terrain. Ouais. Mais pour venir à Tom Brady, à moins vraiment, parce que cette année, les Pats aussi, c'est quand même une chance qu'ils ont leur défensive, là, qui leur aide énormément. Là. Mm. Mais peut-être Tom Brady, peut-être le corps ou même... je pense qu'il y a eu aussi une couple de frustration hein, avec le dossier Antonio Brown, Josh Gordon. Il a mis tellement d'énergie pour travailler avec ces gens-là, puis ils sont pas là, ils sont plus là. Fait que je pense que là, il est comme un peu... Tu sais, après tant d'années, t'es là, il dit là, j'ai tellement donné que... Mais je pense que c'est une équipe, je veux dire, s'il gagne le Super Bowl, il y a des bonnes chances qu'il va prendre sa retraite. Oh ouais. Tu sais, je veux dire, à moins vraiment il se fasse éliminer très tôt aussi, il pourrait prendre sa retraite. Mais s'ils sont très proches, il va continuer comme il a dit, mais peut-être ça va tout dépendre aussi comment l'équipe va l'entourer. Mais en ce moment, les Pats dans les trois facettes de jeu, défense, offense, offensive et unités spéciales, c'est ça la clé du succès en ce moment. C'est une des équipes les plus complètes là, qui réussit là, en ce moment. Fait que il devrait se rendre loin, mais Tom Brady, je veux dire, on a besoin de nouvelles, c'est un site, puis il n'y a pas tant que ça. Non. Je veux dire. Mais c'est sûr que s'il gagne, je pense que ça sent la fin. Puis moi, je vois pas Tom Brady, parce qu'il y a des rumeurs qui laissait planer qu'il pourrait s'en aller ailleurs. Je vois pas Tom Brady ailleurs qu'à Nouvelle-Angleterre. Ah oh, non, il ira pas ailleurs. Là, parce que c'est un des seuls aussi, son contrat, là. Je veux dire, non, je pense pas qu'il va aller ailleurs. Il a fait ce qu'il avait à faire. Je pense pas que, à moins vraiment, il n'y a rien à faire à la maison, mais il est bien entouré à Bezos. Oui, effectivement. On va y aller avec Andy Dalton qui a perdu son poste à Cincinnati. C'est pas vraiment surprenant. Les Bengals vont nulle part. Ce n'est une autre équipe qui va nulle part, ça. Oui, c'est une équipe qui va nulle part. Andy Dalton, j'ai pas aimé, je pense, depuis, comment il s'appelle, Antonio Brown, là, c'en est un, là, depuis qu'il parle fort sur les réseaux sociaux ou dans les médias, il pense que ça va faire changer, mais je pense qu'Andy Dalton, là, il était frustré parce que quelques heures avant la date limite, il s'est fait dire qu'il serait benché, il ne jouera pas. Donc là, lui, il aurait aimé savoir avant pour avoir une chance de se faire échanger. À un moment donné, Andy, c'est 0 et 8, là, ta fiche. Là, peut-être toi aussi, tu devrais te regarder dans le miroir. Puis, je suis pas sûr que. Joe Flacco. Je me fais penser un peu à Joe Flacco à Baltimore. Ouais, c'est à peu près la même affaire. Lui, j'ai l'impression qu'on va passer à autre chose l'an prochain. Exactement. Les matchs de la semaine dans la NFL, écoute, le meilleur match est de très loin, on parle de les Pats contre, c'est dimanche soir, les Pats contre les Ravens de Baltimore. Ravens. C'est le premier gros test, je pense, des Pats. Tu as tout à fait raison, c'est le premier bon test. Puis une des rares fois, ce matin, j'ai sur NFL Radio, j'ai Bill Belichick a fait une entrevue avec son ancien assistant, Charlie Weiss. Okay. Il a vraiment louangé les Ravens, puis les Ravens, c'est une équipe unique. Parce que Lamar Jackson, c'est Lamar Jackson. Exactement. Ben, c'est ça, mais c'est des schémas, Danny, c'est des schémas différents qu'on voit pas souvent. Hein. Fait que t'as pas beaucoup de vidéos. Puis la façon que je peux comprendre, c'est que Bill Belichick, cette semaine, s'est gratté la tête plus d'une fois parce que il n'est pas capable d'avoir une tendance ou des vidéos assez pour être capable de préparer sa défensive. Donc, ça va être vraiment un gros test. Sauf que le but, c'est que on sait que Lamar Jackson est dangereux à l'extérieur de la pochette. Mm. Fait que Bill Belichick, les Patriots, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est qu'ils doivent absolument défendre pour que Lamar Jackson reste dans la pochette. Et c'est de là que faut qu'il lance le ballon plus souvent qu'il court. Mm. Donc c'est de là que. Mais moi je pense que la défensive cette année, Danny, je dois l'avouer, elle est très bonne, celle des Pats, et aide vraiment l'équipe à gagner des matchs. T'sais, toute la pression n'est pas sur Tom Brady. Là, fait que chapeau, mais c'est un gros test, mais je vais donner quand même un avantage aux Pats quand même. Là. Mais ça va être un match serré. Moi, je pense que à bas pointage. Moi, je pense que ça va être la première défaite des Pats en fin de semaine. Première défaite des Pats en fin de semaine. Écoute, les Ravens, c'est une équipe qui me fait peur. C'est probablement l'équipe qui me fait le plus peur dans la conférence américaine. Oui, mais on dirait que des fois, je sais pas, c'est le genre d'équipe dans les gros matchs dernièrement, dans les dernières années, on dirait qu'ils ont comme soit trop donné ou tu sais comme ça se peut que ça va être une équipe qui se présente pas, puis on va peut-être dire Lamar Jackson, ben voyons, c'est la journée, mais en tout cas ça va être serré, mais en tout cas, je peux pas dire une défaite facile. Les Pats sont quand même forts. Là. Ouais. OK. L'autre gros match est à Londres en fin de semaine. Un match de la division sud de la conférence américaine, Houston à Jacksonville. C'est un gros match. Oui, c'est un gros match parce que mauvaise nouvelle pour les Texans. Ils ont perdu J.J. Watt encore une fois. Donc, lui avec, on va en parler dans les prochaines semaines. Je me demande si c'est un gars qui va revenir au jeu éventuellement. Mm. Il est tellement magané. Je sais pas s'il va prendre une retraite prématurée. On va voir. Là. C'est quand même un guerrier, comme on dit, mais ça va être intéressant de voir notre phénomène Minshew. Oui, Gardner Minshew. Gardner Minshew, donc le fait que J.J. Watt ne sera pas là, il va avoir beaucoup de temps pour lancer et il va aussi être capable de bouger un peu plus. Donc, ça va être important, ça va être un bon match pour les Jaguars, mais quand même, Deshaun Watson connaît une excellente saison aussi avec les Texans. Ça va être intéressant à voir, mais on parle d'une surprise. On parle que les Jaguars devraient peut-être le remporter. C'est un match important dans leur division. Donc, on s'attend. Moi aussi, je pense que les Jaguars pourraient peut-être. Puis ils jouent souvent à Londres. Fait qu'on dirait que c'est leur deuxième maison. Ouais, c'est leur chalet. C'est bien mode de cet incite, là, les villes partagées. Là. Oui, je sais, je te lis au sujet du baseball, là, mais... Ouais. Mais c'est bien mal, moi, ce que je trouve ça, mais Jacksonville, oui, c'est leur deuxième demeure. Et le troisième match... Ils sont tellement habitués, tu sais, leur routine à Londres, pas comme des... Fait que c'est pour ça que on risque de voir les Jaguars surprendre Houston en fin de semaine. OK, et le dernier gros match que moi, je trouve, c'est Minnesota-Kansas City. Laurent Duvernay-Tardif ne sera pas en uniforme, de toute évidence, mais ce sera pas une grosse blessure, dans le fond, là. Non, c'est pas. Mais ils disent quand même, on parle de peut-être quelques semaines quand même, Ouais, là. mais c'est pas sa saison finie, là. Non, non, non, tout à fait, t'as raison, Danny, là-dessus. Mais les Chiefs sont pas mal maganés, hein. Il y a beaucoup de blessures. Je suis pas sûr, Patrick Mahomes ne jouera pas. C'est ça que j'ai entendu ce matin. Ouais. Donc, ça va être encore Matt Moore, mais Matt Moore est capable de surprendre. On va voir de l'autre côté, c'est Kirk Cousins. Mais là, Kirk Cousins est sur une lancée. Je suis pas sûr que les Chiefs, à cause qu'ils sont tellement maganés, la défensive est vraiment maganée, la perte de Laurent sur la ligne offensive, fait que je pense que les Vikings devraient l'emporter, mais on le sait, hein, c'est tout dans les mains de Kirk, mais il est vraiment sur une lancée, puis quand il veut, il est vraiment bon, mais on le voit pas souvent. Fait que c'est ça que c'est confirmé. Mahomes va manquer un autre match parce que il semblerait qu'il est prêt. Ben, on parlait de Mais 3 semaines à un moment donné. ouais, c'est ça. Fait que la semaine passée, il a dit si c'était un match éliminatoire, il serait là. Ouais. Mais je pense qu'ils sont capables T'attends un peu. d'attendre un peu avec lui, là. Fait Ouais. que mais on s'attend une victoire des Vikings OK. là-dessus. T'as-tu d'autres matchs, Tony, ou ben c'est pas mal les trois qu'on Non, avait? c'est pas mal. L'autre match, et c'est pour savoir qui veut avoir le premier choix, là, c'est les Jets contre les Eh, Dolphins, là. monsieur, ouais, OK. Fait que c'est pas vraiment, mais on peut regarder un œil parce que Hey, j'ai à la vrai. fin de l'année, c'est Cincinnati-Miami. Un match entre les deux équipes, hein? Ouais, c'est ça, C'est ça. exactement. Qu'est-ce que ça va être passionnant? Quel match passionnant qu'on va avoir? Mais j'ai hâte de voir les Jets. Les Jets, ça va vraiment pas bien, hein. Tu sais, je veux dire, oui, on s'attendait pas beaucoup, mais ils ont quand même, tu sais, Sam Darnold, il est quand même un bon corps. Ils sont allés chercher Le'Veon Bell. Mais là, je pense que là, de plus en plus, notre monsieur Adam Gase, là, c'est vraiment pas le coach Non. préféré dans le vestiaire. Puis, mais j'ai hâte de voir. Mais c'est à Miami. Moi, avec les Jets qui en arrachent, là, autant sur le terrain et à l'extérieur, je verrais peut-être Miami gagner parce quand même, ils se battent quand même bien, là. Ils sont capables de jouer deux bons quarts. On va voir s'ils vont OK. jouer 60 minutes. Mais si les Jets perdent ce match-là, ça va pas bien à New York, là. Non, effectivement. Tony, on se reparle vendredi prochain. Oui, parfait. Merci, puis Notre bon week-end. ami Tony Guzzo qui nous parlait de la NFL.